l'action des invisibles. J'ai l'impression que ça marche. Donc, bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Donc, aujourd'hui, c'est Franck Godichaud qui est maître de conférence à Grenoble en civilisation hispano-américaine et Hervé Doalto, doctorant en sciences politiques à Nanterre, donc à Nanterre, et enseignant donc à Nice, qui vont nous parler aujourd'hui des mobilisations identitaires et des luttes de classe en Amérique latine à partir de deux textes donc, que nous avons mis en ligne sur le carnet hypothèse du séminaire. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui, donc c'est PCC hypothèse.org. Donc les séances sont enregistrées en ligne et les textes sont accessibles également en ligne. Donc ce sont deux textes Garcia Linera. Et donc nous ferons une heure, donc ce sera une heure de présentation. Ensuite nous ferons une pause, donc c'est la nouveauté de la séance, hein, une pause au milieu, et nous reprendrons avec une discussion. Donc avec nos invités. Voilà, donc je laisse la parole, merci. Donc merci Séverine donc pour l'organisation de ce séminaire et l'invitation. Donc aujourd'hui on va essayer d'aborder la question, pour aller vite, lutte de classe et revendications identitaires, indianisme et questions sociales en Amérique latine, et donc dans ce cas-là au travers du cas bolivien. Et plus particulièrement, on va essayer de faire une réflexion sur la base des deux textes de Garcia Linera. Donc je le présenterai rapidement tout à l'heure. Donc on va naviguer un peu entre la théorie des écrits de Garcia Linera, mais aussi, c'est un peu notre volonté aujourd'hui, de le ramener aussi à la pratique des luttes sociales et des luttes indigènes en Bolivie, pour donc voir confronter cette théorie à la pratique et à la réalité des mouvements sociaux boliviens, et également à la pratique politique, Garcia Linera étant lui-même, vous le savez donc, j'imagine tous, à l'actuel vice-président du gouvernement bolivien aux côtés du président Evo Morales. Pour ce qui est des textes, on avait mis une toute petite bibliographie en ligne, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder. Donc, outre les deux textes de Garcia Linera, je vous conseille, en termes de synthèse en français, il y a le bouquin d'Hervé Doalto et Pablo Stefanoni. Si vous voulez vraiment, vous ne connaissez rien à la Bolivie, vous voulez tout savoir en quelques heures, voilà le bouquin à suivre. On avait aussi mis, il y a le lien sur le site, il y a eu une compilation, très bonne compilation de textes de Garcia Linera qui a été faite par Pablo Stefanoni, là qui est en espagnol. Donc c'est sur le site La Potencia Plebeya. Là aussi il y a toute une collection de textes des différentes périodes de Garcia Linera. Et ensuite on a mis quelques autres orientations bibliographiques sur le sujet. Je ne vais pas passer plus de temps sur la biblio, on pourra peut-être y revenir, y compris dans le débat. Bon, dernièrement, il y a eu beaucoup de publications en français sur la question du multiculturalisme, de l'indianisme, de l'indigénisme en Amérique latine, en français et en anglais et en espagnol, bien entendu. Il y a les travaux de Christian Gros, par exemple, en sociologie, qui font référence dans le domaine. On pourra en citer beaucoup d'autres, Yvan Lebeau, Bernard Duterme, on reviendra dessus. Il y a un bouquin qui vient juste de sortir, justement dirigé par Christian Gros et David Dumoulin, Multiculturalisme au concret, un modèle latino-américain. Bon, bref. Et un autre bouquin là que je vais citer à plusieurs reprises, là que je conseille vraiment, sur la Bolivie, qui s'appelle Horizon révolutionnaire. c'est la traduction de l'anglais du bouquin donc, de Forrest Hilton et Sinclair Thompson, Horizon révolutionnaire, et qui est vraiment une, qui balaye toute la période historique du 19e jusqu'à nos jours, avec pour souci justement cette question de la place de l'indianisme dans les luttes sociales. Éditeur Je ne me rappelle plus. Mais je pourrais te le trouver tout à l'heure. Alors, comment on va diviser cette séance ou organiser cette séance? Donc, je me chargerai de faire une petite intro, de rappeler rapidement le parcours de García Linera, de poser quelques jalons historiques, puisque dans les deux textes de García Linera, il y a une référence constante aux différentes étapes des luttes sociales, mais aussi indigènes en Bolivie. Avec ces rappels historiques, je reviendrai à chaque fois au texte de Linera pour présenter ses idées forces, on va dire, toutes les idées clés qu'il y a dans ces textes. Et ensuite, Hervé fera une lecture critique de la théorie, de la sociologie de García Linera, au prisme, donc, d'un point de vue plutôt sociologique, mais aussi au prisme de son action politique. Et après, on essaiera de faire une petite conclusion pour ouvrir sur le débat. Dans la présentation de la session, on faisait un constat. Bon, l'Amérique latine, le tournant à gauche, on en a beaucoup parlé, la Bolivie étant un symbole souvent dans la littérature de ce tournant à gauche, et un tournant à gauche qui se fait paradoxalement sans la gauche, en tout cas sans la gauche, les partis de gauche traditionnels, sans la gauche marxiste révolutionnaire, ou marginalement, donc ça posait une question. Et au contraire, dans certains pays, si on pense à l'Équateur et à la Bolivie, avec une forte présence, une forte visibilité de la question indigène, de la question de l'indianisme, de la question des revendications identitaires et des revendications des peuples indigènes. Donc, on soulevait ce paradoxe et on posait la question donc, de ce que certains appellent politique de l'identité, politique de l'altérité, d'autres vont parler politique de l'ethnicité, pour essayer de l'allier à la question des luttes de classe, la question sociale, la question du marxisme et de l'émancipation en Bolivie. Comment ça s'articule, lutte de classe, lutte indigène, question identitaire, question sociale? Est-ce que ça s'articule réellement? Et comment García Linera, lui, va justement essayer de faire rencontrer ce qu'il appelle ces deux réseaux révolutionnaires et les contradictions, y compris de ses écrits de Linera. Bon, je vais passer assez rapidement. Il y a plusieurs réflexions hein, sur cette place de l'Amérique latine dans le désordre mondial, dans le cadre de la mondialisation néolibérale. Il y a plusieurs Balibar, Wallerstein, Edgar Manero pour l'Amérique latine qui ont essayé de travailler ça, l'expansion du système monde néolibéral, la déconstruction des identités de classe et, dans certains pays, le surgissement d'identités très fortes. Balibar, il parle d'identité ambiguë. Manero, lui, il dit, dans le cadre de l'Amérique latine, on est face à un réveil des identités indigènes, des résistances indigènes, du mouvement indigène, des peuples originaires, on verra, mais qui se fait dans une référence indianiste et identitaire qui ne se fait pas forcément au détriment de la lutte de classe et qui pose la question finalement de la démocratie en Amérique latine, de l'inclusion des populations paysannes indigènes au sein du système politique et la question plus large de la construction d'États plurinationaux qui se construit aussi face à l'impérialisme ou face au néolibéralisme. On pourra revenir dans le débat à la théorie de Nancy Fraser hein, sur le basculement, comme quoi il y aurait un basculement de la politique de la redistribution vers la politique de la reconnaissance. Nancy Fraser, elle regrettait ce basculement en disant en gros, on a cessé de formuler des revendications sociales de classe pour passer au moment néolibéral à des revendications de reconnaissance des identités. Le langage de l'identité, comme elle dit, et donc elle le regrettait. On va voir que dans le cas de l'Amérique latine, les théories de Fraser peut-être sont à déconstruire. En tout cas, c'est le point de vue de García Linera. Je n'ai pas fait une intro trop longue, sinon Séverine va me couper avant que j'aie commencé la première partie. vous rappeler sur la Bolivie quand même. La Bolivie, c'est quand même un des pays symboles du mouvement ouvrier en Amérique latine. Un pays qui a vécu la grande révolution de 1952, un mouvement ouvrier extrêmement fort, l'un des plus forts de l'Amérique du Sud, un marxisme très présent, une centrale ouvrière extrêmement puissante dans les années 70 jusqu'à 80. Donc c'était aussi le pays du marxisme en Amérique latine, d'une certaine manière, pendant une certaine période, et du trotskisme en particulier, puisqu'il y avait le plus grand parti trotskiste latino-américain. Et aujourd'hui, la Bolivie, c'est plutôt le symbole de l'indianisme, de Evo Morales symbolisant lui tout seul, président Aymara et syndicaliste qui est à la tête du gouvernement bolivien. Donc là, on est sur un terrain fertile pour cette discussion et cette articulation entre les deux champs, lutte indigène, revendication identitaire, lutte de classe, question démocratique. Avec en toile de fond, on y reviendra, peut-être la question de la construction nationale en Amérique latine. Donc l'INERA, il va s'interroger sur les usages théoriques et pratiques de l'indianisme dans la dernière période, dans les 40 dernières années en Amérique latine, mais dans ses écrits, il remonte toujours très loin, souvent même à l'époque coloniale. Et il va penser cette articulation. Alors l'INERA, en quelques mots, bon, je parie que la majeure partie des gens qui sont là connaissent un peu son parcours, donc je ne vais pas y passer trop longtemps. Je vous cite une petite phrase d'un entretien qu'il a donné à Stefanoni. Il disait « Je suis une personne qui a vécu son adolescence dans une période de grande instabilité politique, élections, coup d'État, élections, autre coup d'État, dans un contexte fort de mobilisation, de projets, de débats, d'utopie. » Donc c'est un peu comment il commence à se présenter. Actuellement, donc, vice-président de la République bolivienne, le bras droit d'Evo Morales, du président Morales, et en même temps, c'est ça l'originalité, c'est un sociologue autodidacte, autre originalité, assez reconnu en Amérique latine et même au-delà des frontières latino-américaines, et qui a réussi à mettre en place une pensée originale. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le bouquin de Razming Kechoyan sur les cartographies des pensées critiques. Il y a un petit chapitre sur l'INERA. Et Razming, il a raison, il dit que c'est une pensée hybride, finalement, originale, hybride, quoique un peu éclectique. Je pense que Hervé reviendra là-dessus. L'INERA, donc, il est né à Cochabamba 62. Il étudie à la base les mathématiques. Il va même continuer à étudier au Mexique. Et rapidement, il commence à s'intégrer, à s'intéresser au marxisme. Au début, vraiment, c'est les textes marxistes, Marx, Engels, Lénine. Il a une période plus théorique, et ensuite il va s'intéresser plutôt à Lénine dans sa praxis. Mais son séjour au Mexique va commencer à l'orienter vers les relations entre ethnicité et lutte de classe. Quand il revient en Bolivie, il s'investit dans la vie politique du pays, et donc il commence à avoir cette obsession, comment concilier ces deux raisons révolutionnaires, donc la question marxiste, révolutionnaire, et la question de l'indianisme. Pendant 10 ans, il écrit beaucoup sur là-dessus, sur Bolivar, il va avoir l'obsession de chercher dans les textes de Marx ce qui se réfère à la communauté paysanne, au peuple sans histoire, entre beaucoup de guillemets. Qu'est-ce qu'il y a dans Marx qui pourrait aider à expliquer la question indigène en Bolivie et qu'est-ce que surtout il n'y a pas dans Marx qui l'explique. Et finalement, dans la chaleur donc des luttes boliviennes, il va se rapprocher de l'armée guerrillera Tupac Katari, donc qui est une guérilla clairement indianiste radicale. Il va être emprisonné pendant 5 ans suite à cette implication dans la guérilla. Et pour lui, ça sera une période assez propice, puisqu'il va beaucoup étudier, beaucoup écrire, et ça permettra qu'il écrive le bouquin dont il dit que c'est le livre le plus réussi, sur la forme valeur du capitalisme versus la forme communauté du monde andin. Et là, on a presque tout, j'allais dire, dans la pensée de l'INERA. Donc d'un côté, la forme valeur, le capitalisme, et d'un autre côté, même en opposition, on aurait la forme communauté incarnée par le monde andin et par la civilisation indigène, comme il le dit. Aujourd'hui, l'INERA, il a un rôle de passeur, de traducteur. Il dit même que c'est un sociologue interprète, justement entre les communautés Aymara, indigènes, et les classes moyennes urbaines. Au niveau du gouvernement, il a ce rôle-là, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été en partie même choisi comme vice-président, puisqu'il il apparaissait comme le sociologue blanc, de bonne famille, médiatique en plus, aux côtés donc, du leader indigène Aymara qui est Evo. D'où ce rôle de passeur pour les classes moyennes urbanisées. Qu'est-ce qu'on a dans les deux textes qu'on vous proposait aujourd'hui? En fait, on a une réflexion sur ce que René Zabaleta Mercado, le grand sociologue bolivien, qui mérite vraiment d'être découvert, bon, qui est très connu, mais qui mérite d'être découvert, qui est une inspiration pour l'INERA permanente, une réflexion sur ce que Zabaleta Mercado appelait une formation sociale bigarrée ou un bloc composite populaire, c'est-à-dire... Il n'y a pas seulement la classe ouvrière, il n'y a pas seulement les mineurs en Bolivie, les classes populaires sont multiples, et c'est sur cette base-là qu'il va réfléchir l'INERA. De quelle manière donc il réfléchit au travers de ces deux textes? Bon, j'aurais pas le temps de le faire, mais bien entendu, j'ai pas pris les précautions d'usage, le terme d'indien, indigène, Amérique latine... Tous ces termes-là, ils sont marqués par l'histoire, ils sont marqués par le colonialisme. L'Amérique latine n'est pas latine, bien entendu, elle est indo-afro-américaine. Les indigènes ou les indiens ne sont pas indiens ni indigènes, c'est une construction qui vient du colonialisme. Bon, tout ça, vous le savez. D'ailleurs, il y a Carlos Fuentes qui est mort hier, et lui, il parlait de indo-afro-ibéro-amérique. Pour essayer de se rapprocher un peu de cette multiplicité du continent. Il faut au moins rappeler qu'en Bolivie, selon le recensement de 2001, il y aurait 62% d'indigènes, c'est-à-dire 62% de personnes qui se reconnaissent dans le recensement comme indigènes. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, dans la difficulté de la définition des identités en Amérique latine comme ailleurs. Puisque ce recensement a été critiqué, il a provoqué toute une polémique, puisque la définition même de qu'est-ce qu'indigène, c'est une autodéfinition, une autoconstruction symbolique, d'une certaine manière. Et donc, en 2001, dans le recensement, quand on demande à la population, on leur demande de cocher une croix pour savoir à quelle ethnie ils appartiennent. Avec toute une liste, il y avait une croix, n'appartient à aucune ethnie. Et ça a créé beaucoup de polémiques, puisqu'il n'y avait pas, par exemple, la case métisse. Donc certains ont dit, mais c'est pour ethniciser la vie politique, on a fait ça. Et donc il y en a d'autres qui ont refait des calculs et des projections, en disant, si on avait demandé à la population bolivienne, êtes-vous métisse, êtes-vous indigène ou êtes-vous blanc, par exemple, il y aurait 65% de la population qui aurait répondu, je suis métisse. Donc d'où la difficulté de l'autodéfinition de qu'est-ce qu'être indigène dans la Bolivie actuelle. Et comment penser ces politiques de l'identité, de l'altérité, qui sont finalement toujours sous contrainte des politiques de l'État et sous contrainte de rapports sociaux, de rapports de classe, mais aussi de rapports de domination, de race, entre guillemets, et de genre. Donc l'INERA... J'espère que je ne vais pas être trop long. L'INERA, il revient à l'époque coloniale pour nous rappeler que la catégorisation raciale, elle vient du colonialisme en Amérique latine et en Bolivie en particulier. Que les classifications raciales, elles sont à la base même du colonialisme espagnol et portugais. C'est un des ciments de cette domination au XVIe siècle. Bon, il y a tout le système des castes hein, qui est normé par la bureaucratie coloniale et qui commence à classer les populations. C'est extrêmement complexe, d'ailleurs. Et l'INERA, dans donc, la politique de l'égalité, il parle de cette époque comme une guerre de race, entre guillemets. C'est-à-dire une guerre de race construite par le colonialisme. Donc de domination, exploitation des populations autochtones et une classification, ségrégation qui va être inscrite dans les corps, corporéifiée, et ensuite naturalisée, entre guillemets, par l'ordre social colonial. Donc c'est une de ces bases de la réflexion, et d'ailleurs ça renvoie d'une certaine manière aux travaux d'Animal Quijano, non, que certains d'entre vous connaissent peut-être, sur la colonialité des structures sociales en Amérique latine, qui sont à la base de la construction de la modernité. Donc la modernité vient de manière consubstantielle à la création de cette classification raciale par le pouvoir colonial. Donc c'est une des bases de sa réflexion. Il la continue sur l'époque des républiques oligarchiques, qui elles vont maintenir cette ségrégation, cette discrimination des majorités indiennes en Bolivie. Pour cette époque-là, Linera nous parle de la mise en place d'une citoyenneté de caste, okay, et il critique très fortement le mythe de la bolivianité métisse, où tout le monde finalement est mélangé et c'est la République qui intègre, à l'époque des républiques oligarchiques. Et une troisième phase dont parle Linera, donc après 52, après la grande révolution de 52, où il parle de la mise en place d'une citoyenneté, mais qui reste différenciée, avec des citoyens de deuxième ordre et des citoyens de premier ordre, ces différenciations se faisant sur la base du capital économique, du capital culturel, mais aussi, là c'est Linera qui le dit, du capital ethnique, ce qu'il appelle capital ethnique, qui consiste par le fait d'attribuer a priori à un individu des compétences en fonction de sa couleur de peau et de son origine supposée. Autre grande étape pour Linera dans ce développement de l'indianisme et dans sa confrontation au marxisme en Bolivie, c'est le moment des nationalismes populaires qui a balayé toute l'Amérique latine et particulièrement la Bolivie. Le nationalisme populaire révolutionnaire en Bolivie, c'est aussi le moment de l'indigénisme. Alors l'indigénisme, qu'est-ce que c'est en quelques mots? En gros, c'est un courant d'opinion qui serait favorable aux Indiens, mais qui est mené par des élites souvent blanches ou créoles, qui est paternaliste et qui prétend intégrer à la nation les populations indigènes. Ça se fait pas par les indigènes, c'est les élites qui prétendent les intégrer dans une nation métissée, que serait donc la bolivianité. Ça a parcouru cette époque toute l'Amérique latine, et au Brésil on parle de démocratie raciale par exemple. En Bolivie, donc Linera il travaille là-dessus, et il explique que c'est un moment d'une intégration d'une partie de l'imaginaire des communautés paysannes et indigènes, qui se retrouve dans une forme de citoyenneté, mais au prix d'une culture qui va nier en partie leur culture indigène. Donc c'est le culte de la culture métisse, en fait. Ce moment très fort de l'indigénisme, du nationalisme populaire, c'est aussi celui de la Révolution. Donc une étape centrale, la Révolution de 52, donc où il y a les mineurs en armes, une déroute de l'armée oligarchique bolivienne, la mise en place d'un gouvernement nationaliste révolutionnaire, et donc qui va nationaliser les mines d'étain face à l'oligarchie de l'étain, les barons de l'étain, réforme agraire, donc essentielle pour les populations paysannes, et à l'époque on disait les terres à l'indien, les mines à l'état. Le suffrage universel, c'est seulement 53 où finalement la citoyenneté devient universelle, et donc on intègre les paysans, les analphabètes, les femmes. Et ce moment-là, donc là je vous renvoie au texte sur la politique de l'égalité, c'est celui de la forme syndicat. Donc Linera, il va commencer à réfléchir sur les différentes formes que vont prendre les luttes en Bolivie. Et la première forme centrale pour lui, c'est la forme syndicat autour de la centrale ouvrière bolivienne. C'est elle qui va être au centre de l'imaginaire national bolivien suite à la Révolution, qui va permettre une stabilisation de l'identité de classe, qui va aussi permettre, et ça Linera le reconnaît, l'articulation des secteurs subalternes de la société, y compris les paysans indigènes, mais toujours dans une position, finalement, il y a la contradiction principale qui est celle de classe, et notamment les mineurs organisés face à la bourgeoisie, et à côté, les populations paysannes indigènes, qui sont finalement qu'un allié, pas marginal, mais dominé dans ce bloc composite. Cette même époque, et là je renvoie à l'autre texte de l'INERA sur marxisme-indianisme, c'est l'époque de l'âge d'or du marxisme en Bolivie. Mais là encore, on est face à un âge d'or peu métissé, selon l'INERA. Un marxisme, je le cite, qui intériorise la rationalité technique de la modernisation capitaliste de la grande industrie. Cette conception moderniste et théologique de l'histoire a créé un blocage cognitif et une impossibilité épistémologique au regard d'un autre projet d'émancipation, l'indianisme. Donc on est face à un marxisme finalement orthodoxe, européocentré, qui tente à ramener les populations indigènes à leur statut de paysans. Et donc la question centrale des revendications indigènes, identitaires, pour ces marxistes, est une question de réforme agraire essentiellement, de la propriété de la terre. Comme le dit l'INERA, pour ce marxisme-là, il n'y avait ni indien, ni communauté. Bon, on pourrait rappeler les thèses de Poulacayo, hein, de 1946, qui sont le grand texte de la classe ouvrière, des mineurs boliviens, qui parle donc d'une révolution prolétarienne va permettre l'alliance révolutionnaire du prolétariat avec les paysans, les artisans et les autres secteurs. Bien entendu, il y a des exceptions, je n'aurai sûrement pas le temps de le développer ici, mais on y reviendra. Mariátegui, par exemple, le marxiste péruvien Mariátegui, a aussi influencé fortement la pensée de l'INERA, puisque quand même, Mariátegui, dès le début du siècle, commence à penser la question indienne de manière différenciée, dans le cadre d'une perspective révolutionnaire. Donc Mariátegui, d'une certaine manière, il introduit la question indienne comme essentiel pour la théorie révolutionnaire en Amérique latine, pour le marxisme, mais il reste toujours dans ce cadre-là que le problème de l'Indien, je cite, est avant tout un problème agraire. Donc, parfois aujourd'hui, on a tendance à faire de Mariátegui un indianiste, c'est absolument faux. Mariátegui n'est pas indianiste, c'est un marxiste indigéniste, si on veut, mais il ne pense pas la question indianiste comme va la poser par exemple l'INERA ou d'autres en Bolivie. On pourrait parler de Tristan Maroff aussi en Bolivie, dont Hervé pourra en parler mieux que moi tout à l'heure. Combien de temps il me reste pour pas... 10 minutes. Ok. Surtout que je voudrais parler un peu pour la conclusion tout à l'heure. Une troisième époque, je vais très vite, hein, mais on pourra en revenir. C'est l'époque du développement, justement, cette fois-ci, de l'indianisme, du catharisme et de la crise de la forme syndicat en Bolivie. Cette forme syndicat qui est centrale dans la constitution des identités subalternes en Bolivie jusque à l'orée, à la moitié des années 80, on va dire. Le néolibéralisme, les dictatures, l'alliance des militaires avec les paysans, puis le néolibéralisme à partir de 85-86 fait son travail, déconstruit complètement la classe ouvrière, notamment les mineurs, privatise les mines, les fermes. Et donc, il va y avoir un chamboulement complet dans la constitution des classes populaires et du mouvement ouvrier bolivien. Et donc, ce moment-là, c'est aussi le moment qui va permettre le surgissement de l'indianisme et sa forme particulière en Bolivie, le catharisme. Là, donc, l'INERA y revient dans les deux textes qu'on vous a proposés en détail. Pour lui, c'est un moment clé pour la Bolivie. Puisque le catharisme, donc, il fait référence à Tupac Katari, qui était un des héros des luttes indigènes au 19e siècle, qui va être repris, réinterprété, mythifié par des jeunes intellectuels Aymara, notamment, qui sont urbanisés, qui ont accès à l'école, qui vivent la discrimination au quotidien, qui voient la situation de domination de leur communauté, et qui vont dire... les marxistes n'ont pas répondu à notre volonté d'émancipation. Il faut que nous-mêmes, nous nous prenions en main sur la base d'une défense de notre identité indienne. Et donc, ils mettent en place la théorie d'une double oppression. Oppression de la paysannerie, certes, qui est économique, qui est de classe même. Mais surtout, peut-être, pour une partie d'entre eux, qui est aussi socioculturelle identitaire, c'est-à-dire l'oppression des indigènes. Donc cette dimension ethnique, entre guillemets, elle va prendre l'ascendant sur la dimension de classe sociale dans le discours de nombreux militants qataristes. Elle va même devenir centrale pour de nombreux d'entre eux. Et elle va s'articuler autour de la constitution de grandes confédérations paysannes, on pourrait y revenir, la Confédération syndicale unifiée des travailleurs paysans de Bolivie, par exemple, qui mène des luttes tout à fait radicales. Là, l'INERA, il insiste vraiment sur cette dimension-là. À un moment, il dit, alors je ne sais plus où je l'ai mis, en gros, les chrétiens et les marxistes n'ont pas répondu à nos demandes, et les indianistes, si. C'est un moment central de ce point de vue-là. Bon, je passe à une dernière période, puisqu'elle est importante, à partir donc des années néolibérales, où vont apparaître les deux autres formes centrales dans les luttes, à partir des années 90 et 2000, c'est ce qu'il appelle la forme multitude et la forme communauté. Les années 90, c'est un moment de multiculturalisme néolibéral dans toute l'Amérique latine, et en Bolivie en particulier. On voit se mettre en place tout un tas d'ONG, la Banque mondiale commence à créer de l'ingénierie ethniciste, si vous voulez. On se met même à recréer des communautés par en haut, à insister sur la nécessité de la mise en valeur des identités indigènes de la part des ONG, mais aussi de la Banque mondiale. Et il y a, au même moment, on est en train de casser l'État, de casser les solidarités de classe, de privatiser les mines en Bolivie. Bien sûr, l'INERA est tout à fait conscient de ça, il en parle. Il dit que c'est une période de fragmentation kaléidoscopique des identités, des communes, des ethnies. Une période de cooptation étatique. Le cas le plus connu, c'est Victor Hugo Cárdenas, qui vient du catharisme, donc d'un indianisme radical, et qui termine à être vice-président d'un gouvernement national, mais néolibéral, du MNR. Ce multiculturalisme néolibéral, il ne répond pas du tout donc aux aspirations de militants comme l'INERA. Mais par contre, le néolibéralisme, il va avoir des effets sur la condition des classes populaires. Il va les reterritorialiser, selon l'INERA. On verra qu'on peut critiquer cette idée. Et donc, pour l'INERA, on est passé d'un temps de classe, celui du syndicat, de la classe ouvrière, à un espace de classe territorialisé, celui qui va s'articuler autour des quartiers et autour des communes indigènes. Et donc, selon lui, on passe de la forme syndicat à la forme commune et à la forme multitude. Les exemples qu'il prend, ils sont assez connus. Hervé pourra y revenir, on en reviendra dans le détail tout à l'heure. En 2000, il y a les grandes luttes sur l'eau, par exemple. Vous connaissez sûrement Guerre de l'eau et 2003, Guerre du gaz, à Cochabamba et à La Paz. Et donc, ces coordinations pour défendre l'eau face aux multinationales, selon l'INERA, elles incarnent à merveille la forme multitude. Cette forme multitude, ce n'est pas celle de Negri, c'est plutôt celle de Zabaleta Mercado. Donc là, il ne faut pas faire des réinterprétations. Même si l'INERA cite Negri à un moment dans le bouquin, son interprétation est beaucoup plus consistante. C'est-à-dire, il dit, c'est une articulation, une unification territoriale et flexible des classes subalternes, des associations d'usagers, de paysans, d'indigènes, mais sans qu'il y ait une hégémonie unique en son sein. Comme avant, il y avait l'hégémonie unique de la classe ouvrière. Là, on est face à la forme multitude. Pour lui, elle est extrêmement dynamique, et c'est elle qui a permis de faire tomber le néolibéralisme en Bolivie, d'ouvrir le système politique. Et donc je termine sur la forme communauté, qui là aussi est extrêmement importante dans la réflexion de l'INERA. Cette forme communauté, elle est spécifiquement donc indienne, cette fois-ci, ou indigène. Elle correspond aussi au réveil indien. Et là, je cite Xavier Albo, qui est un catalan bolivien qui travaille sur les mouvements indigènes depuis plusieurs années. Elle correspond au réveil indien des années 90. Pas seulement en Bolivie, mais aussi en Bolivie. Une grande réorganisation dans les années 2000 de ces mouvements indigènes, et qui va avoir pour centre la forme communauté, là encore selon l'INERA. il parle d'un retour vers la centralité des Ayllu et Aymara. Donc, que sont les Ayllu et Aymara? Ce sont la base communautaire de l'organisation indigène, qui renvoie en partie à une époque précolombienne. Bon, pour avoir jusqu'à quel point elle n'est pas un peu mythifiée chez Linera, justement. Et donc, cette forme communauté, pour lui, c'est très, très simple. Il parle de civilisation communale, qui est une civilisation porteuse de systèmes différents, de formes, que celle du civilisation du capitalisme dominant. Donc là, on a vraiment une dichotomie. On a la civilisation communale indienne, qui serait quasiment en dehors du capitalisme, ou en tout cas qui permettrait le fonctionnement de relations non capitalistes. Et il donne des détails. Il parle du travail collectif, de la propriété de la terre communautaire, des fêtes rituelles, du mode de rotation des autorités indiennes, qui s'opposerait à la forme du capitalisme dominant, et donc qui serait un peu l'incarnation de la révolte face au système en Bolivie. Bon, je vais laisser la parole à Hervé. Pour ceux qui ont un peu le temps et qui vous pourrez le voir sur le texte aussi qui est en ligne, sur les pages 97-98, c'est intéressant, il parle d'une nouvelle structure d'opportunité politique. Donc là, c'est Charles Tilly, etc., donc la sociologie anglo-saxonne, qui ont permis le développement de ces luttes indigènes, de cette forme communauté. Et il dresse quatre conditions qui ont permis l'ouverture et la centralité de la forme communauté au détriment de la forme syndicat et donc une priorisation sur les revendications identitaires indigènes, en partie qui va recouvrir les revendications de classe et sociales. Alors, merci Franck, merci notamment pour la promo de mon bouquin, j'espère que ça va arrondir mes fins de mois les jours à venir. Le point de départ en ce qui me concerne, ce sera de discuter justement cette idée de civilisation communale qui est somme toute assez centrale dans les deux textes qu'on vous avait invité donc à lire. Peut-être que un point de départ intéressant, c'est de commencer, de faire un petit retour sur Alvaro Garcia Linera en tant que sociologue. Franck l'a dit, il s'agit d'un sociologue autodidacte qui à l'origine est un mathématicien, ce qui explique peut-être d'ailleurs que lorsqu'il recourt à la sociologie, c'est d'abord en tant que quantitativiste. C'est quelqu'un qui va s'intéresser d'abord à une première question qui est en quelque sorte les reconfigurations de la question sociale en Bolivie avec la disparition justement d'une classe ouvrière subjectivée, ce qui va donner lieu à la publication de deux bouquins, La condition ouvrière, La condition obrera, et Reprolétarisation, qui sont deux ouvrages justement où Alvaro Garcia va développer une analyse quantitative, en gros pour essayer de montrer que il y a une situation très paradoxale en Bolivie aujourd'hui, où on a, si on prend les catégories socioprofessionnelles en tant que telles, plus d'ouvriers que par le passé au jour d'aujourd'hui, mais un imaginaire collectif des référents qui, en revanche, ont complètement disparu. Un autre bouquin important d'Alvaro Garcia Linera, c'est la somme qu'il a proposée avec deux autres auteurs, qui s'appelle « La sociologie des mouvements sociaux en Bolivie », où certes il présente des mouvements sociaux, on va dire que populaires, en partant d'un principe, d'un postulat qui serait que un mouvement social qui n'est pas ancré, on va dire, à gauche, en quelque sorte, ne serait pas un mouvement social, ce qui est en soi contestable. Mais en tout cas, c'est un bouquin qui est important, parce que c'est aujourd'hui sans doute le bouquin qui permet d'avoir un tour d'horizon par rapport à l'ensemble des organisations sociales boliviennes. Et elles sont nombreuses, je m'en excuse par avance. C'est vrai que je vais peut-être citer quelques noms, quelques sigles. J'espère que ça ne va pas générer de confusion. Tout ça pour dire que si Alvaro Garcia Linera, c'est à l'origine un sociologue qui a effectivement recours aux méthodes quantitatives. En revanche, c'est quelqu'un qui assez rapidement va verser plutôt dans l'essai historique. Et les textes qu'on vous a proposés, particulièrement pour une politique de l'égalité, font définitivement partie de cette catégorie-là. À savoir que, de mon point de vue, c'est vrai que j'étais assez étonné en rentrant en France, parce qu'en fait, je suis rentré en France il y a deux ans, j'ai vécu cinq ans en Bolivie. J'étais assez étonné, personnellement, de l'écho que rencontrait Alvaro Garcia Linera en France, mais aussi en Europe, dans le monde occidental, académique, mais aussi militant. Et par conséquent, ça m'a quelque peu intrigué, parce que aujourd'hui, ce que je constate, c'est que finalement, on n'est pas très regardant, et j'aurais tendance à dire, on n'est pas très regardant dans la gauche radicale parfois sur ces questions de méthodologie, d'épistémologie, quant à notre façon de regarder la réalité sociale, parce que il me semble, justement en partant de cette idée de civilisation communale, que dans ce texte pour une politique de l'égalité, une des premières limites, c'est sans doute le recours à l'histoire, que, très spécifique finalement, que fait Álvaro García Linera. Parce que si indéniablement il y a par exemple une tentative de sa part d'historiciser les catégories sociales comme indigènes, indiens, ouvriers et j'en passe, finalement, l'impasse à laquelle aboutit, et je reviendrai là-dessus, Álvaro García Linera, c'est qu'il tend à réifier, en quelque sorte, ces catégories sociales-là. Ce qui fait que lorsque Álvaro García Linera regarde le monde rural bolivien, il le regarde en l'essentialisant et en lui attribuant une nature distincte du reste du monde, d'ailleurs pas seulement du monde occidental, mais même de la Bolivie en tant que telle. Et cela le conduit finalement à considérer, comme pas mal d'historiens et d'anthropologues boliviens, que la période au cours duquel le monde rural va principalement s'auto-identifier comme paysan, eh bien ce n'est qu'une parenthèse dans l'histoire de la Bolivie, une parenthèse finalement au cours desquelles on peut dire que les paysans dans l'histoire de la Bolivie, ce ne sont jamais que des indigènes qui s'ignorent. Donc par rapport à ça, la question de départ pour moi, c'est de savoir si en définitive, en dépit des théorisations intéressantes et des conclusions politiques non moins intéressantes sur lesquelles débouche García Linera, la question en définitive, c'est de savoir si on a affaire à une véritable analyse sociologique conduisant à percevoir l'émergence d'un sujet de transformation sociale, ou si finalement on n'est jamais que dans un essai politique qui tente d'attribuer ce label, le sujet de transformation sociale, à une catégorie sociale qui serait donc la paysannerie, les paysans indigènes comme on les appelle aujourd'hui en Bolivie. Alors, je vais essayer pour cela d'aborder très rapidement trois points qui sont transversaux aux deux textes qu'on vous a proposés. D'abord, c'est la question de l'indianité. De quels indigènes, de quels indiens parle Evo Morales ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au travers des deux textes, on voit qu'Álvaro García construit une catégorie qui serait les indigènes qui politiquement seraient indianistes, à savoir qu'ils feraient la promotion de politiques pro-indigènes, en quelque sorte, hein, pour le dire de cette manière-là. Ce que fait Álvaro García, finalement, c'est une série de glissements. Hein, à savoir que tous les paysans sont indigènes et tous les indigènes, d'une manière ou d'une autre, sont indianistes. Ça se voit assez clairement, par exemple, dans le texte « Indianisme et marxisme » où, finalement, ce qui distingue les différents leaders du monde rural, en substance Felipe Quispe d'un côté et Evo Morales de l'autre, c'est un degré de radicalité, sachant que l'un, Felipe Quispe, serait plutôt sécessionniste et donc ferait comme pari la reconstitution des territoires ancestraux indigènes, tandis que l'autre, Evo Morales, ferait plutôt la promotion d'un multiculturalisme à visée intégratrice dans la société bolivienne. Ceci étant dit, si on vous a proposé le texte pour une politique de l'égalité, c'est qu'il est assez représentatif de l'ensemble de l'œuvre d'Álvaro García Linera, qui, quand il s'intéresse aux indigènes, eh bien, il s'intéresse prioritairement à des indigènes qui, en quelque sorte, vont dans le sens de sa démonstration, à savoir des groupes que l'on peut facilement qualifier comme tels d'indigènes, sans que ça puisse être remis en cause de manière très évidente, à savoir qu'il s'intéresse principalement aux Aymaras de la région de l'Altiplano, qui de fait, sont également extrêmement travaillés par les historiens, par les anthropologues, comme une espèce de niche où on aurait préservé des formes de civilisation et des formes de culture relativement imperméables au reste de la société bolivienne. En l'occurrence, hein, un petit peu à l'image de ce que Clifford Geertz appelait le syndrome Jonesville, c'est l'Amérique, où il suffirait d'étudier les États-Unis en prenant un village qui aurait toutes les caractéristiques, qui condenserait toutes les caractéristiques d'une société WASP, White Anglo-Saxon Protestant, dans le cas d'Alvaro Garcia Linera, on travaillerait sur les Aymara de l'Altiplano qui, en quelque sorte, condenseraient l'essence même de l'indianité en Bolivie. De fait, dans le texte sur la politique de l'égalité, on constate que si Alvaro Garcia présente ces acteurs comme des acteurs aux multiples facettes identitaires, à savoir non seulement Aymara et Andin, donc Aymara, une identité, on va dire, plutôt ethnique, Andin, une identité plutôt territoriale, il en parle également comme paysan et syndicaliste. Néanmoins, au fil du texte, clairement, on ne parle plus et on ne met plus en avant que la facette identitaire, ce qui rejoint donc cette idée initiale que j'évoquais au départ, qui est que finalement, en définitive pour Alvaro Garcia Linera, un paysan ce n'est jamais qu'un indigène qui s'ignore. Autre travers, c'est la place qu'il donne au leadership. On parle longuement de Quispe et de Morales, mais on ne les replace jamais. On n'explicite jamais finalement la position qu'ils occupent au sein du groupe social dont ils sont censés être les porte-parole. Au contraire, hein, d'ailleurs, au tout début du texte, on voit que Alvaro Garcia est amené à vanter le rôle qui est joué par Felipe Quispe par rapport à la CESUTCB, la centrale paysanne, en disant que la force de son leadership, c'est ce qui va permettre de porter une voix paysanne au sein du champ politique national. Mais à aucun moment où de manière assez rare finalement, Alvaro Garcia n'est amené à essayer d'interroger les stratégies propres aux leaders vis-à-vis du groupe. Et ce faisant, de fait, on le verra un peu plus tard, il s'interroge assez peu sur les logiques de réception de ce discours au sein des bases syndicales, dont on verra qu'elles sont beaucoup plus pragmatiques dans leur attitude, notamment vis-à-vis de cette identité indigène. Alors, deuxième question, c'est la question de la démocratie. Cette démocratie communale, qui serait donc distincte d'une démocratie, je ne sais pas comment l'appeler, enfin capitaliste, bourgeoise, occidentale, mais en tout cas une démocratie qui n'est pas donc celle des indigènes. Donc il y a tout un développement dans le texte en question, des pages 101 à 105, où finalement les syndicats, en tant qu'héritiers des formes communautaires ancestrales, sont présentés comme une alternative aux formes institutionnelles républicaines. Des formes institutionnelles républicaines, du reste, qui sont présentées, je cite Alvaro Garcia dans le texte, d'institutionnalisation de l'inégalité entre des hommes et des femmes appartenant à des cultures différentes. C'est page 105. Alors, ce qui est assez étonnant ici, en présentant finalement deux institutionnalités qui seraient totalement antagoniques, c'est d'abord le fait que Alvaro Garcia semble ignorer que depuis 1994, en Bolivie, il y a eu un mouvement de décentralisation qui a conduit à la création de nombreuses municipalités dans le pays, des municipalités qui, dans certaines régions, notamment les régions de l'Altiplano Andin, ces régions aymarafones dont parle Alvaro Garcia dans le texte, eh bien, elles ont été fortement investies par les syndicats paysans. Donc, ce faisant, les municipalités dont il parle, ce sont généralement des municipalités qui sont contrôlées par des Aymara. D'autre part, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il pointe donc cette dichotomie en choisissant une focale qui est particulière, savoir que ce texte sur la forme communautaire, il renvoie à un moment très spécifique, qui est celui d'une rébellion Aymara qui a eu lieu donc dans cette région en septembre-octobre 2000, dans la foulée de la guerre de l'eau de Cochabamba, en solidarité avec cette mobilisation sociale. La question, elle est simple, c'est est-ce que finalement un moment de confrontation d'un groupe social avec l'État central, c'est un bon moment pour observer la routine des relations entre ce groupe social-là et l'État central. À l'évidence, il me semble que la réponse est non. Par ailleurs, ça conduit à un autre problème, qui est que justement, en n'observant pas quel est le rapport routinisé quotidien aux institutions dites républicaines, eh bien on ne voit pas, par exemple, que dans certains cas, comme ça a pu être le cas dans Achacachi, mais aussi dans les régions des cocaleros, des cultivateurs de coca du Chapar et d'où vient Evo Morales, eh bien, on a eu des cas, par exemple, où dans le cadre de conflits sociaux, eh bien, c'est la municipalité qui, en quelque sorte, était mobilisée comme une espèce de base de soutien matériel à l'action du syndicat. Enfin, dernier élément, quand on est dans une période de confrontation et qu'on contrôle à la fois un syndicat et une municipalité, il me semble que ça tombe sous le sens, qu'on a plutôt recours à... on revitalise en quelque sorte le syndicat et la forme syndicale pour se confronter à l'État central plutôt que la municipalité en tant que telle. Donc là aussi, il y a une dichotomie en quelque sorte donc entre la démocratie communale et la démocratie, l'institutionnalité républicaine qui me paraît largement questionnable. Enfin, dernier élément, c'est celui du projet politique qui, de manière en filigrane hein, en fait chez Alvaro Garcia, paraît incompatible en quelque sorte avec le cadre national républicain bolivien. Je cite Linné, la page 113, donc quand il parle de la politique de l'identité, c'est ce qui permet la formation d'une identité nationale indigène séparée de l'identité bolivienne. Bien là aussi, ça appelle quand même à plusieurs questions, puisque si on prend des travaux d'historiens comme Gordillo, par exemple, mais si on prend y compris certains des travaux plus récents sur les élites politiques du MAS, du parti d'Evo Morales, on se rend compte que il y a quand même une composante dans la mémoire des mouvements sociaux boliviens aujourd'hui qui semble être complètement ignorée, voire nié par Garcia Linera, c'est l'importance de cette composante nationaliste révolutionnaire qui, par exemple, là je vais parler de ma propre expérience par rapport aux entretiens que j'ai pu faire avec les dirigeants du parti de Morales, c'est des dirigeants qui finalement souvent prennent la révolution nationale de 52 comme le point de départ de leur propre biographie, même chez les plus jeunes, dans la mesure où la révolution nationale de 52, qui a quand même apporté au monde rural la réforme agraire, l'accès au vote, l'éducation en milieu rural, et j'en passe, y compris même la diffusion hein, du syndicalisme comme forme organisationnelle, eh bien, la révolution nationale, elle est pensée chez ces dirigeants-là comme le point de départ qui a rendu possible leur ascension sociale et leur participation politique. Or, on voit bien ici que chez Garcia Linera, il y a une négation totale de tout un pan, finalement, de l'histoire bolivienne. Il ne s'agit pas simplement d'un problème d'ordre historique, on va dire. C'est aussi un problème quand, on va dire, à ce que peut être la socialisation politique d'un dirigeant paysan au jour d'aujourd'hui en Bolivie, puisque... d'ailleurs, ça se voit à travers, par exemple, la biographie d'Evo Morales même. Quand on voit quelles sont les références politiques d'Evo Morales, ce ne sont pas les grands héros indigènes comme Zárate Vilca, Tupac Atari, mais ce sont plutôt, par exemple, les militaires de la période qu'on a appelé le socialisme révolutionnaire, Germán Busch, par exemple, ou encore les dirigeants du MNR. Alors pourquoi cette schizophrénie aujourd'hui avec le mouvement nationaliste révolutionnaire qui a été le parti de la révolution de 52, c'est que ce parti, le MNR, qui a longtemps encadré les rangs de la paysannerie bolivienne, c'est certes le parti de la révolution de 52, mais c'est aussi le parti qui a mis en œuvre les politiques néolibérales à partir du milieu des années 80. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est assez intéressant, c'est qu'il y a une déconnexion totale dans la mémoire paysanne présentement entre le MNR et la révolution nationale de 52, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un rejet total du MNR, mais pas forcément de la révolution, ou plutôt pas forcément des acquis de la révolution, dont les paysans eux-mêmes sont bien conscients qu'ils sont pour beaucoup dans la prise en considération de la paysannerie telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, par rapport à cela, j'aurais tendance à dire qu'Alvaro Garcia, c'est plus qu'un sociologue au jour d'aujourd'hui, c'est un entrepreneur de cause. C'est un entrepreneur de cause dont le discours, à l'époque du texte pour une politique de l'égalité, hein, qui date de 2001, reflète une configuration politique particulière. Alvaro Garcia Linera, c'est finalement un défenseur de l'autonomie des mouvements sociaux à une époque où cette autonomie politique-là, elle est quasiment contrainte. Il faut savoir que la période fin des années 90, début des années 2000, qui correspond, comme l'a dit Franck, à la période du néolibéralisme triomphant, c'est une période qui, pour les organisations sociales et syndicales en particulier, correspond à une période de marginalisation, alors même que l'État bolivien, c'était un État corporatiste qui entretenait des relations régulières avec les représentants syndicaux et qui, se faisant, donc, leur attribuait des avantages particuliers. Donc, on a un État néolibéral qui, du jour au lendemain, met un terme à ces relations corporatistes, marginalise les leaders syndicaux, des leaders syndicaux qui, lorsqu'ils ont le malheur, en quelque sorte, de protester contre leur sort, et une paupérisation rampante est visible, sont largement réprimés par ce même État néolibéral. Alors, c'est ce qui va permettre de comprendre, hein, d'ailleurs, que le mouvement social bolivien se retrouve complètement marginalisé et en coupure presque avec ce qu'on pourrait appeler, vous m'excuserez les raccourcis, mais avec la classe politique existante à l'époque. Et c'est ce qui va faire, de fait, hein, que à l'heure d'un néolibéralisme justement qui va promouvoir des politiques de privatisation, notamment de privatisation de la gestion des ressources naturelles, eh bien on va avoir un axe nationaliste qui va être mis au goût du jour du point de vue des revendications de ces mouvements sociaux-là, notamment autour de la souveraineté nationale, de l'exercice de la souveraineté nationale sur les ressources naturelles comme l'eau ou les hydrocarbures. Parallèlement à cet axe nationaliste, cependant, on a aussi la montée en puissance d'un discours indianiste. Je reviens pas là-dessus, hein, c'est pas tant le fait des Qataris des années 70 qui finalement, du point de vue politique, ont toujours été relativement marginaux, mais donc c'est bel et bien le fait des institutions internationales et de leur relais localement en Bolivie. Ce discours indianiste, il va avoir néanmoins plusieurs effets, notamment des politiques qu'on pourrait qualifier d'indigéniste, notamment dans le domaine de l'éducation, hein, on reconnaît le droit à une éducation bilingue, du point de vue des terres aussi, avec l'attribution de terres collectives, ce qu'on appelle les terres communautaires d'origine, hein, ce qui va d'ailleurs de fait conduire à la fois à la reconstitution, Franck l'a dit, de communautés, mais aussi la reconstitution d'organisations spécifiquement indigènes, opposées parfois même aux syndicats paysans. Dans quel but, hein? Dans le but, somme toute, assez classique de mobiliser des ayants droit face à des politiques qui vont privilégier donc des indigènes. Ceci étant dit, l'intérêt de ces organisations indigènes, c'est que ce sont ces organisations qui vont se mobiliser pour une refondation du pays autour d'une revendication claire qui est la convocation d'une assemblée constituante. C'est la raison pour laquelle, finalement, le mouvement social à la tête duquel va se trouver Evo Morales, entre autres, à l'orée des années 2000. C'est donc un mouvement qui a la particularité d'articuler deux axes revendicatifs. Un axe que je qualifierais de nationaliste autour de la récupération des ressources naturelles et le respect de la souveraineté nationale. Et un axe plutôt multiculturel avec l'exigence donc d'une assemblée constituante pour refonder le pays sur des bases qu'on appelle plurinational. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Bolivie comme en Équateur, on n'a plus un État-nation, mais un État qui est qualifié de plurinational puisqu'il reconnaît plusieurs nationalités qui sont autant de peuples indigènes. En l'occurrence, par exemple, en Bolivie, on a 36 peuples indigènes. Alors, en fait, le problème de l'édifice théorique d'Alvaro Garcia Linera, c'est que, tel qu'il existe en tout cas à cette époque-là, c'est qu'il est fondé sur l'autonomie des indigènes, à une époque précisément où le seul horizon pour ces indigènes-là, c'est en quelque sorte d'arriver à bâtir une alternative politique crédible, alors même qu'ils sont condamnés à cette autonomisation. On va voir que dans le cas d'Alvaro Garcia Linera, ce moment autonomiste, il est on y met fin de manière quasiment abrupte à partir du moment justement où les organisations sociales sont en mesure de pouvoir prétendre au pouvoir politique, notamment avec l'ascension politique d'Evo Morales lui-même. Et là, donc très rapidement, hein, certains des aspects de l'évolution de la pensée et de la pratique d'Alvaro Garcia Linera, en quelques points, c'est d'abord l'exaltation de l'État après avoir promu la défiance à son égard. Par exemple, je cite Alvaro Garcia au moment de la campagne de 2005, « L'État est là pour se faire aimer et se faire craindre ». Donc, on n'est plus dans une logique de construction, de contre-pouvoir des organisations sociales, on est plutôt dans une logique de conquête. Mais une conquête de la part de qui ? De la part d'une nouvelle élite politique ou bien de la part des mouvements sociaux eux-mêmes ? Eh bien, la façon avec laquelle Alvaro Garcia Linera va résoudre cette contradiction, elle est simple. Pour lui, le gouvernement Morales, c'est ce qu'il appelle un gouvernement des mouvements sociaux. Alors, en soi, d'emblée, il est assez clair finalement qu'on a affaire à un oxymore. Pour Alvaro Garcia Linera, il y a évidemment derrière l'idée qu'il y a une certaine représentation des organisations sociales au sein de l'exécutif, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Mais en revanche, ça a un effet pervers qui est que cela condamne en quelque sorte à l'avance toute possibilité pour les mouvements sociaux de protester sur la base d'un agenda qui ne serait pas celui du gouvernement, puisque si on a à la tête du pouvoir un gouvernement des mouvements sociaux, eh bien, fatalement, une organisation sociale qui prétendrait se mobiliser contre ce gouvernement-là ne mériterait pas ce même qualificatif de mouvement social. Quant aux politiques indianistes, ce qu'on constate avec l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales et d'Alvaro Garcia Linera, c'est que finalement, on a une certaine continuité avec les politiques néolibéral indianiste des années 90, à savoir que c'est encore dans le domaine de l'agriculture et de l'éducation qu'on a un certain nombre d'initiatives. Pour le reste, on voit que, par exemple, l'Assemblée constituante n'a quasiment pas débouché sur une quelconque reconfiguration territoriale en profondeur, ce qui n'a pas vraiment dérangé les organisations sociales elles-mêmes, puisque ce qu'on a pu constater, c'est que les organisations sociales se sont mobilisées pour deux choses. D'abord, des droits collectifs pour une nouvelle figure juridique qui est cette figure d'indigène autochtone paysan. Je ne sais pas si vous connaissez ça, donc c'est en Bolivie aujourd'hui, donc il y a deux classes de citoyens, c'est les citoyens individuels, et puis on a des sujets de droits collectifs qui sont, donc là c'est une catégorie juridique, hein, les indigènes autochtones paysans. Donc aujourd'hui, tout le monde rural bénéficie d'un certain nombre de droits collectifs en vertu donc de cette spécificité de la place du monde rural dans la société bolivienne. Mais on peut dire que derrière ces droits collectifs, il n'y avait pas d'ambition chez les organisations sociales de déboucher sur l'imposition, on va dire, d'une institutionnalité propre, bien au contraire. Ce que j'ai pu observer, par exemple, par rapport à l'Assemblée constituante, c'est que si les organisations sociales ne se sont pas mobilisées pour un agenda proprement indianiste, c'est que finalement, ce qui les intéressait souvent, c'était, au travers de l'Assemblée constituante, d'obtenir l'inscription dans le marbre des articles dans la Constitution répondant directement à leurs intérêts en tant que syndicat. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'indianisme du gouvernement Morales est réduit en grande mesure à ce qu'on pourrait qualifier de une politique de discrimination positive, hein, finalement, qui elle-même est subordonnée à des axes bien plus importants. Je pense notamment à la politique économique développementiste. Alors, je sais qu'on a tendance souvent à présenter les indigènes comme les gardiens de la nature, par exemple, notamment suite au sommet des peuples contre le réchauffement climatique à Cochabamba. Je pense que c'est une lecture qu'il faut grandement relativiser, hein, dans la mesure où les organisations du monde rural, en grande partie, sont favorables à ce que j'appellerais cet agenda développementiste, puisque cet agenda développementiste, dans l'imaginaire collectif, il est perçu comme une source potentielle de revenus pour l'État et donc de politique sociale redistributive. Hein. Donc, à l'aune de ces différents constats, je pense que ce qui est intéressant, c'est de constater finalement qu'on a un cas assez particulier. On parlait tout à l'heure d'un sociologue vice-président. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, quelque part, l'action du vice-président dément dans une certaine mesure ce que le sociologue a pu écrire à une certaine époque. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut faire très très attention. Je le dis parce qu'aujourd'hui, voilà, je m'aperçois en rentrant de Bolivie qu'on popularise quelque part les thèses d'Alvaro Garcia Linera à travers des bouquins comme « Pour une politique de l'égalité ». J'ai tendance à penser que ce type d'ouvrage, finalement, c'est un ouvrage potentiellement dangereux dans la mesure où il prête le flanc à la critique et en définitive, il est contre-productif par rapport aux causes qu'il défend. Et ces causes, pour moi, elles sont doubles. C'est d'abord, d'une part, d'un point de vue épistémologique, l'hypothèse déjà d'un regard postcolonial sur la société bolivienne. Parce que à développer une critique postcoloniale de la société bolivienne qui reprend la dichotomie colonisateur-colonisé comme si finalement en Bolivie il y avait toujours des Espagnols avec des casques à pointe, je fais référence notamment à une phrase page 107, je pense que c'est assez, assez problématique. Hein. Quand je lis par exemple la structure symbolique coloniale qui avait habitué les colonisés et les colonisateurs à ce que les Indiens s'adressent aux caras, c'est un mot en aymara pour parler des blancs en général, sous la forme de la soumission, de la génuflexion ou de la demande larmoyante, c'est soudain brisé sous l'impulsion d'un dirigeant indigène qui ne les craignait pas. Hein. Désormais, le dirigeant indigène exigeait. Bon, c'est très bien écrit, mais à mon avis, ça condense de manière assez réductrice ce que sont les interactions entre en gros les indigènes et les métis créoles, quelle que soit la façon dont on les appelle. Donc pour moi il y a un problème déjà d'ordre épistémologique, et ensuite il y a un problème d'ordre politique, parce que le fait que cette dichotomie rigide entre colonisateurs et colonisés, il faille un petit peu la relativiser, disons. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des groupes sociaux dominés en Bolivie et que cette domination, telle qu'ils la vivent au sein de l'espace social bolivien, elle n'est pas en partie due à l'héritage colonial. Donc le problème finalement, c'est que à produire une sociologie, on va dire, excusez-moi du terme, un petit peu à l'arrache, hein, c'est que finalement, il y a aussi une hypothèque sur la possibilité d'une action émancipatrice de ces propres groupes dominés. Puisque si finalement ce qu'on dit sur ces groupes dominés là, c'est pas si vrai que ça, finalement c'est même la légitimité de leur action qui est remise en cause. Donc pour moi, il y a, je vais essayer de conclure vraiment très brièvement, mais je m'excuse. L'enjeu, c'est de savoir comment on peut parler d'un phénomène qui est patent, et Franck en a parlé à travers les polémiques sur le recensement, c'est comment est-ce qu'on peut parler de l'ethnicisation de la vie politique et sociale en Bolivie aujourd'hui. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'ethnicisation, enfin, comment dire, les lectures culturalistes, finalement, que propose Alvaro García Linera, mais pas seulement, je pense notamment à des auteurs comme Walter Mignolo, pour ne citer que, en France, on pourrait aussi citer dans une certaine mesure Yvon Lebaume, enfin, je fais quand même gaffe parce que je suis à l'UHESS, mais c'est quand même, en définitive, des lectures qui aboutissent à un regard essentialiste sur les indigènes en Bolivie. Alors, le problème, c'est que, du coup, on ouvre la porte à toutes sortes de critiques contre cette essentialisation, qui sont à mon avis de deux ordres. On a les auteurs instrumentalistes classiques, on va dire, qui se prétendent plutôt républicains, libéraux. C'est notamment dans le cas des études bolivianistes, quelqu'un comme Jean-Pierre Lavaux, qui ne va pas hésiter, par exemple, de parler de revanche raciale, de racisme à l'envers. Par exemple, Jean-Pierre Lavaux parle de Felipe Quispe comme le Jean-Marie Le Pen de l'Altiplano. Vous apprécierez la comparaison. Mais parallèlement à ces gens qu'on marquerait plutôt politiquement à droite, même s'ils sont politiquement en France au Parti Socialiste en général du reste, c'est qu'on voit au sein de la gauche radicale une sociologie critique qui a une démarche constructiviste, qui s'inscrit finalement dans une logique bourdieusienne du dévoilement, qui a aussi tendance à réduire l'ethnicité à un simple artefact. Alors on a, ça va par exemple de Jean-Loup Amsel à des gens dont je suis par ailleurs très proche, par exemple comme Franck Poupeau, qui considère finalement que l'ethnicité, bah, c'est vraiment que de la construction. Généralement d'ailleurs ça peut être dit pour défendre l'idée qu'il y aurait des vraies contradictions, sous-entendu deux classes, comme si les classes elles-mêmes n'étaient pas dans une certaine mesure un construit qui devrait faire l'objet d'activités militantes en tant que telles, visant l'enrôlement. Alors, pour moi, et ce sera la dernière phrase, je pense qu'une manière de regarder l'ethnicisation de la vie politique en Bolivie aujourd'hui, c'est d'abord de regarder quels sont les usages pratiques de cette ethnicité. Et finalement, ce que je constate, bon, dans mon cas précis, par rapport à l'étude du parti d'Evo Morales, puisque ma thèse porte là-dessus, c'est que l'ethnicisation de la vie politique bolivienne aujourd'hui, elle accompagne finalement la légitimation de l'ascension d'une nouvelle élite politique, qui sont justement les cultivateurs de coca et les nouvelles élites économiques qu'on retrouve par exemple dans certaines villes populaires comme El Alto, qui ont la particularité d'être fortement dotées de capital économique, mais très peu dotées de capital culturel légitime. Savoir donc on a des nouvelles bourgeoisies aymara dont ne parle pas par exemple Alvaro Garcia Linera. Et par exemple l'ascension politique d'Evo Morales justement aujourd'hui, ce que ça montre c'est l'émergence de ce que j'appellerais dans les termes de Bernard Pudal hein, par exemple une nouvelle politique légitime pour des gens qui jusque là n'étaient pas considérés comme des membres à part entière de la communauté politique. Alors selon moi le tort des partisans des analyses postcoloniales comme de ceux qui les critiquent, hein, c'est d'aboutir finalement soit à une défense, soit à une dénonciation de l'identité sans trop se préoccuper de savoir pourquoi ces identités marchent et ne font pas l'objet de toutes les réflexions que proposent les sociologues. D'où, et ce sera véritablement le mot de la fin, hein, pour moi, la nécessité, à mon sens, d'un travail intellectuel, autonome, non pas hein, pour la beauté du geste, mais justement pour qu'il soit politiquement efficace. Conclure. Donc le deuxième petit mot de conclusion, c'est plutôt cette fois-ci une réflexion, disons, en termes plutôt stratégiques et politiques. Donc comme l'a dit Hervé, cette réflexion autour de l'INERA et plus largement de la Bolivie, d'une part, ça permet de rejeter toutes les interprétations, les caricatures sur ce que peut être l'indianisme en Amérique latine, de Vargas Llosa qui a pu parler un temps d'utopie archaïque, jusqu'à des universitaires plus récemment comme Jean-Pierre Lavaux qui parle de la mise en place d'une anarchie segmentaire en Bolivie sur la base de la politique d'Evo Morales. Donc ça, bien sûr, c'est ou de tribalisation de la vie politique, c'est à rejeter. De l'autre côté, il y a un besoin d'un retour politique et stratégique de la question postcoloniale en Bolivie, ça c'est clair. Et par rapport aux écrits de Linera, on a besoin de le réinscrire dans cette réalité empirique des rapports sociaux, des luttes en Bolivie. Donc évacuer un universalisme qui serait abstrait et en même temps un différentialisme qui serait essentialiste. Donc on se retrouve un peu dans cette dynamique-là. Au sein de la gauche radicale, souvent, par exemple en Europe, évacuer aussi les indianités mythifiées, hein, le mouvement indigène en soi éco-socialiste, en soi respectant la Pachamama. Là aussi, il faut voir la réalité des conditions de vie, des conditions de mobilisation des populations concernées. Et plus largement, finalement, ce dont on parle aujourd'hui en Bolivie, ce que plusieurs travaux, celui que je citais tout à l'heure de Forrest Hilton et Sinclair, creusent, c'est on est plutôt face à un nationalisme populaire en partie indianisé, finalement. Ce gouvernement actuel, il s'inscrit dans une dynamique nationaliste populaire avec des actions, des claires actions multiculturaliste, qui a permis la mise en place de l'Assemblée plurinationale, qui est une avancée tout à fait intéressante. Et en même temps, ça permet, en termes stratégiques, de penser les limites qu'il y a aussi bien au travers de l'INERA que du gouvernement bolivien actuel. Il bute sur, bien entendu, des contradictions, c'est tout à fait normal. Et de poser la question, est-ce que donc cette alliance entre le nationalisme populaire, des revendications identitaires ou des actions indianistes qui ont permis de gagner le gouvernement, qui ont permis aux masses de gagner le gouvernement, est-ce que, dans quelle mesure il peut permettre un dépassement de la structure du capitalisme dépendant en Bolivie? Pour l'instant, du Linera sociologue au Linera vice-président, on a vu que le passage est forcément difficile. Aujourd'hui, Linera, donc l'a dit Hervé, il défend y compris le capitalisme endo-amazonien, l'État fort, etc. Alors que là, on est face à un écrit clairement autonomiste hein, et indianiste. Donc, l'INERA, finalement, en soi, représente ces contradictions du processus bolivien, les difficultés qu'il a, ce qui n'empêche pas que de poser la question de la plurinationalité en Bolivie, elle est centrale, de discuter des questions postcoloniales en Bolivie concrètement, c'est tout à fait central. en le réintroduisant donc dans une perspective stratégique et en tentant de le réarticuler à la question sociale, à la question d'élite de classe finalement. Et en terminant avec ce que disait Stefanoni, là c'est en espagnol, j'essaie de le traduire, hein, mais il disait « los indios », donc les Indiens entre guillemets, ils vont continuer à faire leur chemin vers l'égalité, le bouquin s'appelle « Pour une politique de l'égalité hein, », comme en tant qu'acteurs autonomes, le mieux va leur apparaître, c'est à eux de décider de leur futur, sans prison identitaire, sans attache, et sans que, en respectant, ce sont donc des hommes de chair et de sang, incarnés dans une réalité sociologique, et pas la bonne conscience de l'humanité. Donc en gros, leur redonner cette potentialité en tant qu'acteur au sein d'une échelle d'identité qui est forcément complexe, qui va des identités paysannes, indigènes, et de leurs rapports donc avec des rapports sociaux de domination en Bolivie. Merci beaucoup, on a à peu près respecté le temps et merci pour cette présentation donc de l'INERA et puis pour cette présentation critique nourrie d'enquêtes de terrain. Je vous propose qu'on fasse une pause de 5 minutes, 5 minutes, ça ira, et ensuite qu'on reprenne le cours de la séance avec une discussion collective. Donc en fait, on peut rester même dans la salle. En fait, on vous propose un goûter, mais comme on est assez nombreux, ça risque d'être un petit goûter, comme ça, on a beaucoup de temps. Si vous voulez prendre un verre de jus d'orange. Je suis complètement impression. Les études postcoloniales, Stoa... Je suis complètement zappé. Non, je vais enfin en revenir. C'est la question de vous. Tu vois, pour moi, rédiger, c'est ça. Tu vois. Ah non, mais attends, donc ça, c'est mes entretiens au Chili. Ah, d'accord. Mais ouais, non, moi, j'ai pas mal rédigé. Je pense qu'effectivement, le problème, c'est que. Comme, ouais, mais c'est normal, c'est la première fois que je suis pas en forme. Ouais, c'est ça. Un truc pour être là. Bonjour.